New York, violent démarrage à la John Starks. Crée des Tony Stark, mon saut te frappe d'abord le thorax. Sors mon Iron Mike face au cobra, j'ai des balles sous le coude. Sur terre en connexion avec le ciel, je crache la foudre. Yeah. J'ai pris ma force autour de toutes mes légendes. Quand la faucheuse m'a dépouillé, dit qu'il pleut pas, peut me descendre. 6 pieds sur terre, ma voix restera claire. Big L, gros débit, je donne et ma bouche est un gun. Big Pun, technique dernier cri depuis StarTac au iPhone. Mais le buzz est aveugle quand les médias t'ont rendu à fond. L'amour de l'art est mon business. À chaque sortie d'album, je suis comme un père qui attend que son nouveau fils naisse. Je dessine mon flow comme au fitness. Sans prendre pour 50, je ne cache jamais mes tatous avec ma peau de fesse. En fitness, ok, je peux être tout comme un pot de pêche. Mais ne prends pas pour un flic car ici je te sèche. Si le commun des mortels vient de la terre, et que les rappeurs viennent de terre, les MC viennent d'un autre univers. Mes extraterrestres vivent un enfer. Téléphone de maison, quand ils sont mauvais c'est ma kryptonite, j'en perds l'audition. J'téléphone de maison, téléphone de maison. Mais comme Kal-El sans crypto, mon père m'a créé une mission. J'ai créé mon monde comme un môme, a besoin d'imaginer l'inspire. Et t'as fini les phrases et adulte expérimenté. Garder la flamme de mon âme et l'arme pour m'alimenter. J'ai une folie, une plume et un mic pour argumenter. À l'heure où beaucoup s'improvisent artistes et fils de carton, c'est celui de clochard, la rime pauvre à la recherche de pognon. Ça tourne en rond, loin de la philosophie de Platon. Les rappeurs viennent du terre-terre, les MC de Pluton. Je m'adresse à tous mes extraterrestres. Ils visent le ciel, je rentre à la maison, ils se défenestrent. L'inconscient est conditionné, le résultat de séquestre. Aucun mouton n'affronte un berger pour être chef d'orchestre. Leur game est un petit point dans la galaxie de ma vision. J'y trouve une cohérence réelle dans cette science-fiction. Depuis l'école, je suis le premier dans la lune, Neil Armstrong. Tête de gamin, souffle chien et bitch et Louis Armstrong. Le commun des mortels vient de la terre, et que les rappeurs viennent du terre-terre. Les MC viennent d'un autre univers. Mes extraterrestres vivent un enfer. Téléphone de maison, quand ils sont mauvais c'est ma kryptonite, j'en perds l'audition. J'téléphone de maison, téléphone de maison. Mais comme Kal-El sans crypto, mon père m'a confié une mission. Eh, hey, y'en a, ils sont jamais dans la tendance, et jamais dans la bonne direction. À un moment donné, c'est comment? Y'a quelques derniers survivants qui ont de la frappe pour éviter équilibrium, les clones ont les tracks. Tellement le niveau général est claqué, c'est éclaté. Quand t'es dans la normalité, eux te voient avec une cape. Y'a quelques derniers survivants qui ont de la frappe pour éviter équilibrium, les clones ont les tracks. Tellement le niveau général est claqué, c'est éclaté. Quand t'es dans la normalité, eux te voient avec une cape.